and gentlemen, we interrupt our program. Écoutez Planet Indie sur votre fréquence préférée et partez à la découverte de nouveaux horizons musicaux. We are as Boston. Yeah, let's see. Nord au sud, est en ouest, ouest. Stay tuned for more rock and roll. It's 90.5 KCSU Fort Collins. You hear it before they kill it. This is new music on U92 FM. Attention, ladies and gentlemen, allez, comment maintenant? Eh oui, bonjour à toutes. Bonjour à tous, Planète Indie, ça commence effectivement maintenant, il est 17h précisément, enfin il est 17h 1 minute et 26 secondes. Comme chaque premier samedi du mois, eh bien, Pierre avec vous au micro pour vous proposer le meilleur de la musique indépendante, le meilleur de la musique alternative. En tout cas, une heure et demie de musique que vous n'entendrez pratiquement nulle part ailleurs aujourd'hui. Nous sommes donc le samedi 3 septembre. Et c'est pas le mois le plus dont on aime le mieux le nom, hein. Septembre, rentrée. Heureusement que la météo n'est pas encore trop mal aujourd'hui. Et puis pour nous, eh bien, c'est l'épisode numéro 446 déjà de Planet Indie, bah oui. Je pense que ça va être pas mal aujourd'hui, on a beaucoup de nouveautés à vous proposer. On ira beaucoup dans le nord de l'Europe, du côté de la Norvège, du côté de la Finlande notamment. Et peut-être même un peu... Pourquoi pas tant qu'on y est. Du côté de la Suède, donc les pays nordiques seront mis à l'honneur. Je vous... Oui, on écoutera Tipjar pour les Suédois, ainsi que Sue Anderson ou Victoria Vox. Pour la Finlande, on écoutera... J'en ai au moins deux au programme aujourd'hui, si je me souviens bien. Jerry Canistos, avec lui qu'on va commencer cette émission, et puis Simona Pourri un peu plus tard dans l'émission. Et puis je vais vous déjà vous lâcher le morceau. De toute façon, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous avez dû le lire aussi. Notre powerplay nous emmènera quant à lui aujourd'hui en Finlande avec un tout nouvel album. Il vient de sortir le 19 août. Donc quand je vous dis qu'il est nouveau, il est vraiment nouveau. C'est le nouvel album du groupe norvégien Røyksopp. Donc il y a du beau programme dans la playlist d'aujourd'hui. Bah, je vous propose donc de la commencer tout de suite. Oui, comme annoncé, on va la commencer à débuter cette émission avec Jerry Canisto. Il vient d'ailleurs de nous envoyer son nouveau single aujourd'hui, mais bon, c'est un peu court pour la programmer déjà aujourd'hui. Donc, ce morceau s'appelle Bald Men, Hairy Women. Ce serait peut-être intéressant de lui demander ce qu'il a voulu dire par là. Est-ce que les hommes chauves attirent les femmes à la belle chevelure éclatante? C'est l'occasion, je lui demanderai la prochaine fois que j'ai l'occasion de parler avec lui. Et puis après cela, on écoutera le groupe Black and White Motion Picture, un groupe qu'on a découvert le mois dernier, avec leur nouveau single qui s'intitule I Can Be Cruel Too. Voilà, vous êtes sur RGL, c'est Planet Indie comme chaque premier samedi du mois. Et nous sommes ensemble jusque 18h30, restez donc bien branchés, vous êtes à la bonne place. Of a name. Il s'appelle donc Black and White Motion Picture, I Can Be Cruel Too. Et puis après, avant cela, pardon, on a commencé cet épisode numéro 446 de Planet Indie avec Jiri Canisto, Bald Man, Hairy Women, qui nous emmenait en Finlande. On y retournera tout à l'heure avec un autre artiste originaire de ce pays. Pour l'heure, on revient dans le coin, en Belgique, avec un morceau que j'ai reçu récemment. Le groupe s'appelle No Angry Young Men. Ils m'ont contacté en me disant « Ah bah, on aime bien ton concept, on voudrait t'envoyer de la musique. » Et puis ils me disent « Voilà, on va t'envoyer un morceau qui est, qu'on a écrit et on s'est inspiré pour ça d'une BD de Aimé de Young, Days of Sand. » Ah, ça m'a tout de suite interpellé, évidemment, puisque si vous nous êtes fidèles, vous devez vous souvenir que c'est cette BD, on vous l'a proposée. Je vous en ai fait part de ma chronique sur cette BD il y a quelques mois de cela. Et je vous avais même dit qu'elle a reçu un prix pour ce livre. Rappelez-vous, si vous ne vous en souvenez pas, retournez voir sur notre site internet. Vous aurez toute ma fiche de lecture, toute ma critique de cette BD, très très bonne d'ailleurs, très très bonne BD, une grosse brique, mais qui se lit assez facilement et qui fait référence à un épisode historique qui s'est passé aux États-Unis en fin des années 20, début des années 30, cette invasion de sable, on va dire, dans les plaines du Midwest. C'était assez terrible. Et puis la BD, puisque j'y suis, la BD qui sera mise à l'honneur aujourd'hui nous amènera, bah tiens, curieux hasard aussi dans les années 20, aussi pour un rappel d'un fait historique, mais plutôt orienté dans le monde du sport aujourd'hui. Et vous allez voir, je ne vous en dis pas plus, restez à l'écoute, ce sera pour aux environs 18h, 18h10, dans ces eaux-là. Bah, je vous propose alors d'écouter ce morceau, No Angry Young Men. Le morceau s'intitule Eyes Fixed on One. Et puis après cela, on écoutera Reggae Jack, bah oui, avec le temps qu'il fait, avec un morceau intitulé Do Something. Et puis, pour être tout à fait complet, et bien après cela, on ira faire notre premier tour sur l'album de Royxop, un album intitulé Profound Mysteries 2, en tant que powerplay aujourd'hui dans Planet Indie. Allez, tout de suite, No Angry Young Men, Eyes Fixed on One. Musique belge. Deserted streets, verges of sand. Eyes that sleep and nothing left to do. You were the spark that lit behind the casement walls. You'd bring us hope, forget the worried mind and the empty heart. Would you like to be fixed on one? The radio plays a soft murdered voice every night. So many mouths to feed. Looking back, I ask myself why we didn't try. When distant winds have died, I still feel a beating heart. Would you like to be one? Get up and do something. C'est le groupe Reggae Jack. Lève-toi et fais quelque chose. 17h20, eh bien, je vous propose donc d'aller sur notre powerplay qui nous emmène aujourd'hui prendre un peu d'air frais du côté de la Norvège dans les clubs électro. Avec une grande première pour cette rubrique, bah oui, c'est en effet la première fois que je vous propose un powerplay en version digitale. C'est vrai qu'avant, eh bien, je me suis toujours, et volontairement d'ailleurs, basé sur un support physique. Et alors, bah voilà, en cette semaine de rentrée, je vous propose de sortir du cadre habituel et d'écouter le nouvel album donc, de Royxop intitulé Profound Mysteries 2. C'est une première, un deuxième titre aussi, puisque c'est la première fois que je vous propose un powerplay qui n'a encore jamais été diffusé précédemment à titre normal, on va dire, dans cette émission. Ben, raison, j'aurais eu du mal, puisque cet album est sorti très récemment, deuxième moitié du mois d'août. Il est sorti le 19 août dernier, donc il est on ne peut plus récent, un peu plus chaud pour vos oreilles. Donc Royxop est un duo de musique électronique originaire de Tromsø en Norvège, composé de Sveinberg d'un côté et de Torbjørn Brundtland de l'autre. Un duo qui s'est formé en 1998. Les deux gaillards, ils ne s'est pas vraiment formé à cette époque-là. Ils se sont rencontrés en 98 de façon un peu fortuite, puisqu'ils se sont rencontrés grâce à un ami commun. Ils étaient très jeunes, ils avaient à l'époque 12 et 13 ans. Et ils se sont trouvés des atomes crochus dans leur goût cinématographique, dans leur goût musicaux, et puis dans leur passion pour le monde de l'électronique. Ils ont commencé à expérimenter plusieurs formes de musique électronique, et puis ils s'en sont tenus là, et puis ils ont suivi chacun de leur côté leur propre chemin. Quelques années plus tard, ils se sont retrouvés en 1998, à Bergen. Ils ont quitté Tromsø pour Bergen, puisque Bergen était devenu... mais ça, j'en parlerai plus tard. Ils se sont retrouvés en 1998 à Bergen, donc, et c'est alors qu'ils ont donc formé le duo Royxop, un terme qui signifie « veste de loup », c'est une sorte de champignon, sauf que dans l'orthographe du nom Royxop, ils ont remplacé le O barré par un O avec un tréma, c'est un caractère qui n'existe pas dans l'alphabet norvégien. C'est pour la petite histoire, et d'ailleurs pour eux, outre le champignon de la veste de loup, ce mot champignon évoque aussi le champignon de fumée qui résulte d'une explosion nucléaire. On va s'en sortir. À l'époque, Bergen donc avait pris la place de Tromsø en tant que place vibrante pour la musique électronique underground en Norvège. Le premier single, So Easy, a connu un petit succès local, mais aussi en Grande-Bretagne, après avoir été utilisé dans une publicité pour l'opérateur téléphonique T-Mobile. Du coup, eh bien, ils ont signé avec un label anglais et ils ont sorti un premier album qui s'intitule Melody AM. C'est le succès tout de suite. Disque de platine en Norvège et plus d'un million d'exemplaires vendus de par le monde. Le titre, notamment Apple, mais écrit avec un E, hein, pas à l'anglaise, qui signifie aussi pomme. En plus, était sélectionné par Apple comme musique d'accueil pour son système d'exploitation Mac OS X Panther. En sus, la popularité de Royxop s'est aussi développée aux USA grâce au titre Remind Me, qui a été utilisé dans la campagne publicitaire de Geico, qui est une compagnie d'assurance automobile. La musique de Royxop n'inspire pas seulement les publicitaires, le monde du cinéma s'y intéresse aussi de tout près, ainsi que le groupe a reçu une proposition pour composer la bande originale du film Matrix Reloaded, mais finalement le groupe a décliné l'offre. En effet, il y avait des problèmes d'agenda, si je me souviens bien. Les accointances ne s'arrêtent pas là, mais ce sera pour un prochain chapitre. On verra qu'ils sont bien actifs dans le monde du cinéma. Pour l'heure, je vous propose d'écouter un premier extrait de l'album Profound Mysteries 2. On va écouter le titre « Oh Lover ». Ils sont accompagnés pour l'occasion par la chanteuse Suzanne Sonfort. Et puis, je vous ai mis sur notre page Facebook, sur notre compte Twitter aussi et notre groupe Facebook, eh bien, non pas seulement une vidéo, mais tout l'ensemble de l'album puisqu'il est disponible légalement sur leur propre channel de Royxop via YouTube pour être tout à fait complet. Allez, on les écoute avec ce premier extrait donc, « Oh Lover » avec Suzanne Sonfort au chant. Power play. Power play. Bon, on a un petit, évidemment, c'est toujours comme ça, un petit souci avec le fichier, pas de souci, on va l'écouter quand même, ne vous tracassez pas de panique, le temps pour moi de relancer la mécanique, je vous retrouve tout ça en vitesse, et puis ça va aller comme sur des roulettes, allez, on va écouter nos amis de chez Royxop, et c'est parti avec le morceau « Oh Lover ». Qu'est-ce que ça dit maintenant ? Our time inside the bubble. J'adorerais, hein. J'adorerais qu'on écoute le morceau en entier, mais il fait plus de 10 minutes, plus de 11 minutes. Je vais essayer de le programmer une fois complètement. Mais si on veut réussir à boucler tout le programme d'aujourd'hui, on va devoir le couper un petit peu, c'est dommage, hein, parce que il est vraiment super ce morceau All Over. Roy Xop avec Suzanne Sanford. On écoutera deux autres morceaux d'ici la fin de cette émission à 18h30. Et on découvrira aussi la suite de l'histoire du groupe Roy Xop. Pour l'heure, eh bien, on va écouter une chanteuse qu'on a découverte le mois dernier. Elle s'appelle Anne Gray. Bon, on l'écoute avec le même morceau qu'on a écouté le mois dernier. Pourquoi pas, hein? Si c'est bon, autant y retourner. Anne Gray avec le morceau Sirens. Bon, de nouveau, il va falloir que je change mon programme de lecture parce que j'ai quelques petits soucis. Allez, qu'est-ce qui se passe ici maintenant? Allez, c'est parti, Anne Gray. Sitting in class, my pencil stopping, I'm writing something down. I'm taking your name and rhyming it with things just to see how poetic it sounds. Ooh, must be something in the way you move, or the way you say my name like it belongs to you. You're my favorite thing to cry about lately, and I'm overanalyzing everything you say. You run your hands through your hair when you laugh, and you've got eyes like an ocean, and you know I would dive right in, ignoring all the signs and sirens if you say my name again. About you all the time, and my friends all know it's you, but they all know that I never admit it. You're stuck in my head like a song, and it's only got a couple hundred verses. Ooh, it didn't say on those candy hearts. Look before you leap, 'cause you might just fall. You're my favorite thing to cry about. Your smile on my mind, and I've got your number memorized, though I never call it. But I'd ignore all the signs and sirens if you say my name. Your name hangs from my lips like some sort of sweet refrain, and it's stuck in my head, and I play it over and over again. 'Cause you whisper like winter and you sound like spring, and suddenly I'm falling in, tripping over myself again. But I'd ignore all the signs and sirens, all the warnings, all the omens to get to you. I'd walk through fire and do it again just to fit my palm into your hand. Spirit in the sky complicates the part, and the land of De Victoria Vox nous parle de quelque chose qui n'existe pas, un pur concept. L'argent facile, Easy Money, extrait d'un très très bel album avec des illustrations magnifiques aussi de Fred Stonehouse. L'album s'intitule Nirvana in REM. C'est un candidat powerplay pour une prochaine émission, ça c'est quasi sûr. On va continuer avec une autre voix féminine et un très très bel album aussi, celui de Sue Anderson. Anderson, une chanteuse suédoise, un morceau intitulé Japanese Tea, c'est la plage d'ouverture de son tout nouvel album, très beau aussi. L'album s'intitule Brave, avec une belle pochette qui fait un petit livret comme ça, c'est très très joli. Avant cela, eh bien, je vous propose d'aller faire un petit tour sur l'agenda de notre partenaire de la Rocale et voir ce qu'il nous propose comme occasion de sortie pour ce mois de septembre. Alors ça va commencer jeudi avec le Belval Blues, ce sera dans le contexte du Live Breath and Sleep Guitars. On va en parler un peu plus longtemps, c'est une exposition en collaboration avec Esch 2022, mais je vous en parle un peu plus longuement tout de suite, et puis c'est gratuit si vous voulez tout savoir. Ensuite vous avez la possibilité le mardi 13 septembre d'aller voir Mark Welter's John Bunch. Le 14, un style complètement différent puisque ce sera du métal avec Halloween and Hammerfall. Area Heap, toujours du métal le 14 aussi, bah, soirée métal hein, le 14 à la Rocale. Ensuite, The Velvet and Exit Fury, ce sera deux jours après, le 16. James Morrison viendra le 19. Ensuite, De La Mancha and the Winkle Pickers, c'est aussi une session du Rock Lab Live dans le cadre de Live Breath and Sleep Guitars. Les Poets of the Fall se produiront le samedi 24 et puis il y a Trio qui vient le 28 et le 30, du 30 septembre au 9 octobre vous avez au Skip donc cette exposition organisée par Esch 2022 Live Breath and Sleep Guitars pendant une quinzaine de jours. Voilà, c'est à peu près tout. Donc je vous parle. Ah oui, je dois quand même vous signaler que le spectacle Auto Live du 1er octobre est annulé. 1er octobre, c'est la date de notre prochain épisode de Planète Indie. Ce sera le 447. Alors, il y a des sessions qui viennent avec ce fameux programme éclectique autour des guitares électriques. Et donc, il y a une exposition Live Breath and Sleep Guitars organisée par Esch 2022. Et à côté de ça, donc, il y a un programme musical qui tourne autour de la guitare électrique pour les amoureux de musique de tous âges. À découvrir au Skip, il y a pas mal de concerts, showcases et ateliers. Donc on en a fait un peu le tour. On a parlé du jeudi 8 avec Sterpy, le blues, le Velvet and Exit Fury du rock le 16. Il y a de la Mancha et de Winklepicker, on en a parlé, de Grown Club le 30 septembre. Il y a aussi un atelier, une rencontre propriété intellectuelle et droits d'auteur le 21 septembre, mais c'est réservé aux membres du Rock Lab. Si vous voulez devenir membre, allez-y, c'est gratuit, ça se passera à 19h. Quoi d'autre? Il y a l'atelier de maintenance guitare avec DZ Guitars entre 11h et 12h30 le dimanche 2 octobre, le 5 octobre, il y a aussi plein de choses. Puis il y a tout un programme jeune public qui se déroulera aussi début octobre. Et donc voilà, hein, je vous ai parlé à peu près de tout. Velvet and Exit Fury, Velvet c'est un groupe qui peut être décrit comme le fils illégitime de Deep Purple and Iron Maiden, c'est comme ça qu'il se présente. Tandis que Exit Fury puise ses racines dans la musique de Black Sabbath, Rush, Dream Theater ou Blackstone Cherry. Un peu plus calme avec du rock classique de la Mancha. Et donc les Winklepickers, c'est du blues. Donc c'est le deuxième concert, ça se passera le 22 septembre à 20h au Skip. Et puis donc on a parlé du Grown Club, le Songbook Live Session le 30 septembre. L'entrée est gratuite pour les membres du Rock Lab et vous aurez l'occasion d'écouter d'excellents chanteurs qui reprennent des morceaux écrits par des compositeurs luxembourgeois. Voilà pour le programme. Si vous voulez en savoir plus, vous allez sur le site de la Rockal ou du Rock Lab et vous trouvez toutes les informations nécessaires et vous pourrez aussi vous procurer les billets pour peu que le concert ou la soirée que vous avez sélectionné soit payante. Voilà. Et on poursuit donc en musique avec Sue Anderson qui nous invite à boire un thé japonais, Japanese Tea. Japanese tea and the whitest of China opens my mind, opens my heart. We're five in the room, senses decree. There are two in the backyard feeding goldfish and cats. We'll have a cup of Japanese tea. We'll have a cup of Japanese tea. You send me a message, your visit's been cancelled due to some trouble at the border again. No problems come later, I'll wait in the garden or sit on the carpet in my tiny wooden house with a cup of Japanese tea, with a cup of Japanese tea. With random precision, laid by some streaks of sun, joined by curious singing blackbirds, well absorbed by the moss on the ground. With a cup of Japanese tea, with a cup of Japanese tea. Oh, Japanese tea with a cup of Japanese tea. Hi, my name is Mark Lassiter, and you're listening to Planet Indie. My name is Josh from Stone Diamond. You're listening to Planet Indie. Hi, my name is Vivi from Mental Monkey Ballet, and you're listening to Planet Indie. We're children like children who never grow up. How do you get a damn take home around here? 365, don't get no vacation. 365, this is permanent. Methadonia, city of ghosts, Dream Street, mirrors and smoke. If I could only see the fist in front of my face, I swear I'd bust right out of this place. We all got a story, I'm not telling you mine. I'm not telling you how my mother passed out on the floor. Put your hand on my chest, feel my heart busting out as I picture my father breaking down the back door. Methadonia, city of ghosts, Dream Street, mirrors and smoke. If I could only see the fist in front of my face, I swear I'd bust right out of this place. It's like they don't want to let you go. Let me go. They just keep raising my dose. I can't get it up no more. No more. Damn this methadone. Let me go. Driving for dominoes in my hometown. Three kids, two different moms. Took them to Hampton Beach for the 4th of July. I don't steal no more, the car was mine. We're children like children, but I'm gonna grow up. For some this works just fine, me I got to figure it out. Frank says I'm in line to be the manager here. Gonna save a little money, spend more time with my kids. Methadonia, city of ghosts, Dream Street, mirrors and smoke. If I could only see the fist in front of my face, I swear I'd bust right out of this place. I swear I'm gonna bust out of this place. Et ben voilà, après le thé japonais de Sue Anderson, je vais pas dire qu'on reste dans les produits un peu, hein. Là c'était Methadonia avec Peter Galway and the Real Band, extrait aussi d'un tout nouvel album intitulé It's Deliberate, un très très bon album. 17h50, le temps avance à une vitesse, c'est pas possible, hein. Chaque mois je me dis la même chose, et on va se faire encore avoir aujourd'hui. Retour donc, si vous le voulez bien, sur le parcours de Roy Xop. On était resté tout à l'heure en 2001 avec leur album Melody et M. Il faudra attendre 4 ans pour que sorte le second album du duo norvégien, un album intitulé The Understanding. Celui-ci a conforté le succès grandissant du groupe. Bien classé dans les différents hit parades, il a notamment atteint la deuxième place du Top Electronic Album. Eh bien, il a bénéficié aussi de l'exposition offerte par le cinéma. Bah, je vous en parlais tout à l'heure, hein, qu'on allait revenir dans le monde du cinéma, puisque plusieurs pistes ont été reprises et utilisées dans différents films. En 2008, pour célébrer le 10e anniversaire de la fondation du groupe, celui-ci a offert gratuitement à ses fans le titre Happy Birthday sur son site Internet. À nouveau, il a fallu attendre plusieurs années pour voir un nouvel album de composition originale sortir, ou plutôt deux albums. Le premier, c'est Junior, et il est sorti en 2009. Et en 2010, a suivi l'album Senior. À nouveau, eh bien, c'est le succès, puisque l'un comme l'autre ont atteint la première place en Norvège, ce qui en fait les troisième et quatrième albums consécutifs du groupe à réussir cette performance, et c'est pas terminé. Alors que Junior comprend des collaborations avec notamment la chanteuse suédoise Karin Dreyer Andersson ou encore avec Feveray, Senior est un album plus tranquille, et c'est le premier album du duo à ne comprendre que des morceaux instrumentaux. En janvier 2013, Royxop a sorti une chanson intitulée Running to the Sea, une collaboration avec l'artiste norvégienne Suzanne Sundfør. Eh bien oui, déjà elle. Ce morceau a été écrit et enregistré en deux jours pour une prestation à la télévision. En 2014, le groupe annonce la sortie d'un EP en collaboration avec Robin, EP intitulé Do It Again, et qui accompagne et coïncide avec leur tournée en commun donc avec Robin. La même année, au mois de novembre, soit à nouveau, près de 4 ans après la sortie de Senior, paraît le nouvel album Inevitable End, comme son titre l'annonce clairement, entre guillemets on va dire. Cette nouvelle production explore des sujets plus sombres et met l'accent sur le contenu lyrique. Bien que le groupe continuera à faire de la musique, The Inevitable End est censé aussi être le dernier album du duo. Comme on le sait désormais, puisqu'on découvre aujourd'hui leur tout nouvel album, Profound Mysteries 2, le plan initial a été chamboulé. Le second extrait donc que je vous propose d'écouter dans cette émission s'intitule Some Resolve. Et puis comme on parlait de morceaux instrumentaux, celui-ci est un instrumental. Et puis n'hésitez pas non plus à nous faire part de votre appréciation sur Royxop ou sur le reste de la programmation musicale d'aujourd'hui. Vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, sur Twitter et puis sur notre site internet aussi, www.ilovemusic.gq. Voilà, on écoute Royxop, Some Resolve, un extrait instrumental de cet album Profound Mysteries 2, c'est notre powerplay, aujourd'hui dans Planète Indie. Powerplay. We'll be right back. C'est notre powerplay aujourd'hui dans Planet Indie, le tout nouvel album, il est sorti le 19 août, tout nouvel album du groupe, du duo norvégien Røyksopp, on découvre aussi leur histoire aujourd'hui. Je vous ai mis sur notre page Facebook, sur notre compte Twitter, l'ensemble de l'album puisqu'il est disponible en écoute gratuite. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, Planet Indie ou @PlanetIndie, aussi bien sur Facebook que sur Twitter. Et puis on va profiter de ce morceau instrumental, on va le laisser en arrière-plan, pour passer en revue la programmation de notre partenaire de la Culture Fabrique. Vendredi prochain, 18h-22h, soirée Carafone au Rattle Lac. Samedi 17, ça commence à 10h, ça se termine le dimanche 18 à 20h. Deux jours de festival de nouvelle musique par Luciline, ça s'appelle 33,7. Vendredi 23 septembre, entre 18 et 22h, The Cat Claw Music au Koufa Summer Bar. Le 24 septembre à 20h, la musique techno, électro jazz, electronica, Night Songs. Le lundi 26, Samael, ça va bouger un peu. Ça va bouger aussi avec le Fu Manchu le jeudi 29. Je pense que c'est la reprogrammation de ce groupe qui avait, dont le concert avait été programmé précédemment et qui avait dû être annulé, je pense, si je me souviens bien. Et enfin, le vendredi 30 septembre, entre 18 et 22h, Metal Extravanza Open Air DJ Session, soirée donc au Koufa Summer Bar. Et puis le lendemain, il n'y a rien, donc n'hésitez pas à vous brancher sur RGL pour écouter Planet Indie. Pour notre prochain épisode, le 447, ce sera donc le 1er octobre entre 17h et 18h30. Et puis cette émission-ci sera rediffusée aussi demain aux mêmes heures qu'aujourd'hui, hein, entre 17h et 18h30. Et puis vous pourrez aussi retrouver le podcast de cette émission sur notre site internet. Tous les podcasts sont disponibles depuis que Planet Indie est diffusé sur RGL. Je vous donne l'adresse de notre site internet, www.ilovemusic.gq. On quitte Røyksopp pour quelques minutes et on écoute une autre nouveauté avec Lang and the Shanks, Line Face Down. Et puis après, on écoutera un autre morceau instrumental avec Chamber Music et un morceau intitulé Oslo. I got no more thoughts to give. Cause they keep treating me like this. And if Pops could see me now, he'd be rolling over in his grave. To keep from seeing what's going on, lying face down choice. And it's a cheap form moving on when you keep your head topped with crown. When you don't need anyone else, I swear I'll be there to lead you through your hell. Crazy as a moon. when you don't need anyone else. I swear I'll be there to lead you through your hell. This place has no room to grow, and these bodies in prison are getting cold. A tombstone with a sentence on a wire. Pas mal hein, ce petit morceau de Chamber Music. C'est aussi un groupe venu du Nord. Et nous emmener à Oslo. 18h08 et bien je vous propose de partir à la découverte de notre BD du mois maintenant. vous le savez, hein, ça fait maintenant 2-3 ans qu'on vous propose chaque mois une bande dessinée. Et aujourd'hui, c'est une bande dessinée qui fait référence à un épisode historique qui s'est... je vais vous faire le résumé, ce sera plus facile, plutôt que de vous en parler trop longuement. Né dans le sud de l'Algérie, rien ne prédisposait ce jeune pâtre à accomplir l'exploit de devenir le premier Français à s'imposer dans le marathon olympique. Jusque-là, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui savent de qui on parle. Il se contentait de courir derrière ses chèvres qui avaient tendance à s'éloigner dans le désert. Puis vinrent la guerre et la mobilisation. Dans les tranchées, son lieutenant remarque son aptitude à la course d'endurance. Il décide de l'entraîner à la dure, puis de l'inscrire au championnat de France. Il s'y qualifie pour Paris 1924, où il termine à la 7e place. Désireux d'améliorer ses performances, il quitte l'armée pour rejoindre l'usine Renault de Billancourt et surtout son célèbre club olympique. Mieux encadré, il va progresser jusqu'à décrocher l'or à Amsterdam 4 ans plus tard, lors de sa seconde participation aux Jeux. Le petit ouvrier va remonter un à un ses rivaux et ainsi damer le pion à tous les favoris, qu'ils soient finlandais, japonais ou américains, au terme d'une épreuve menée de main de maître. À l'invitation de Barnum, qui désire organiser une revanche avec la vedette nationale Joe Ray, vedette donc qu'il avait battue précédemment lors des Jeux Olympiques, il se laisse tenter et embarque avec sa médaille pour seul bagage. Après cette nouvelle victoire qui lui rapporte un petit pactole, les sollicitations pleuvent aux quatre coins du pays. Les défis sont cependant de plus en plus poussés. Durant cette tournée de spectacle, ses jambes sont ainsi opposées aux pattes d'un cheval et même à celles d'un guépard. Lassé d'être devenu l'homme-cheval, un numéro de cirque, El Ouafi rentre en France, bien décidé à se relancer pour les prochaines Olympiades. Mais ses ambitions sont réduites à néant lorsqu'il se voit exclu par les instances nationales pour avoir monnayé ses capacités athlétiques. Pour lui, c'en est fini de courir. En fait, j'aurais dû vous donner le titre de la bande dessinée. Ça s'appelle Lord El Ouafi. Donc, on fait référence à cet athlète, quelque part. C'était un peu un artiste aussi. Ahmed El Ouafi, donc le premier Français à avoir remporté la médaille d'or aux Jeux Olympiques sur l'épreuve du marathon. Ça, c'était le résumé du livre. Maintenant, mon appréciation, mon commentaire critique. Je commence comme ça. Qui connaît Ahmed El Ouafi, si ce n'est une poignée de journalistes sportifs pointus en athlétisme? C'est l'un d'eux qui, en se passionnant pour les grands personnages de la course de fond, a découvert la vie de cet athlète tombé dans l'oubli. Avec un parcours riche de tant de rebondissements et un personnage si attachant, les ingrédients de base d'un bon scénario étaient réunis. Que l'on soit féru de sport ou pas, on suit ses péripéties avec délectation, passion, voire compassion. Même si on pressent une partie du déroulé avec son goût de déjà-vu chez pas mal de jeunes sportifs talentueux mais mal accompagnés, la triste fin de l'aventure nous prend cependant de court. Le style semi-réaliste et le fait de laisser certains arrière-plans non colorisés ou floutés permettent de mettre l'accent sur l'essentiel, à savoir l'histoire et ses aléas. Linéaire et documenté, elle restitue bien l'ambiance de l'époque, avec même un petit clin d'œil contemporain. Oui, il fallait le trouver celui-là. Si on est attentif, on repère Tintin Reporter, en Amérique évidemment, parmi la foule lors de l'un de ses meetings aux États-Unis dans sa tournée avec le Cirque Barnum. La deuxième vie d'El Ouafi après sa carrière sportive n'est que brièvement résumée en trois événements marquants, à savoir l'arnaque qu'il a dépouillée de ses économies, son éphémère mise en lumière à l'initiative de son successeur Alain Mimoun, et enfin son décès inopiné et violent. Cette biographie émouvante nous renvoie donc à l'heure où l'amateurisme, dans le sens noble du terme, était l'une des valeurs premières du mouvement olympique, et nous permet de découvrir cet athlète hors du commun pour qui la course était le moteur de l'existence. Le récit fait l'économie de quelques raccourcis, mais cela ne prête pas à conséquence et la fluidité de l'ensemble reste intacte. Une lecture, dès lors, chaudement recommandée, d'autant plus que les leçons de vie à en tirer et les valeurs qui sont mises à l'honneur, humilité, goût de l'effort, persévérance, amitié, respect, etc., etc., peuvent servir de modèle à tout un chacun et en toutes circonstances. Ça s'appelle « Lord El Ouafi », c'est sorti cette année-ci chez Michel Lafon, il y a 128 pages. Les auteurs sont Carcenac et Saint-Dizier et c'est dessiné par Girard. Je vous ai mis donc sur notre groupe Facebook ainsi que sur notre compte Twitter ma conclusion de mon analyse ainsi que la couverture de l'album. Et puis si vous allez sur notre site internet, vous retrouverez la fiche de lecture complète dès ce soir ou demain suivant le temps dont je disposerai pour mettre tout ça à jour. Lord El Wafi, donc un très très bon album. J'étais vraiment très très positivement surpris par cette découverte. Allez, retour à la musique avec Simona Puri, un autre artiste finlandais, Keep On Going. Et puis après, retour sur notre Power Play, donc l'album de Royksopp, Profound Mysteries 2. Pourri et son morceau s'intitule Keep On Going. Et retour pour la troisième et dernière fois aujourd'hui sur l'album Profound Mysteries 2 du groupe norvégien Royksopp, alors que eh bien ils avaient décrété que l'album The Inevitable End, sorti en 2014, constituerait leur dernier album. Le groupe a continué à produire de la musique et on peut aussi signaler une bande originale pour un projet de comédie basé sur les romans de Franz Kafka, ou encore un nouveau morceau intitulé Bounty Hunters, repris sur la compilation Star Wars Headspace, sorti en 2016. En 2019, eh bien, le groupe annonce qu'il va diffuser des phases B de nouveaux titres et des morceaux non encore sortis sur la playlist Lost Tapes. Ces morceaux ont été rendus disponibles gratuitement sur certains sites de streaming et étaient dans le même temps vendus sur les grandes plateformes commerciales comme Amazon ou iTunes. Cette diffusion a continué jusqu'en 2021 où le projet a été mis en pause ou à l'arrêt, ça on ne sait pas encore, l'avenir le dira. Et la version physique contenant les 10 premiers morceaux de la série des Lost Tapes est ainsi sortie. On s'est singulièrement donc rapproché de ce jour puisqu'on est en 2021. Et puis fin de l'année donc 2021, le 31 décembre, à la toute fin donc de l'année, le groupe annonce qu'un nouveau projet sortira en 2022. Ce projet s'appellera Profound Mysteries. Un tout nouveau site internet a été mis sur pied pour l'occasion avec du contenu à dévoiler. Et pour cela, il faut presser la touche R. Bah oui, R pour Roigsopp. Deux singles sont sortis en janvier et le troisième intitulé Impossible est sorti en février et il consiste en une collaboration avec Alison Goldfrapp. La date de sortie annoncée était le 29 avril. À cette date, le site internet a été enrichi avec du nouveau contenu exclusif pour ce qui serait Profound Mysteries 2, comme ce fut le cas pour le lancement du site internet pour Profound Mysteries 1. Le volume 2 donc est sorti le 19 août 2022. Plus chaud que ça, difficile à faire. Hein. Heureusement que je l'ai eu un peu en avance pour préparer cette chronique. Le troisième et dernier volume de cette dernière, enfin on imagine que ce sera le dernier volume de cette série est prévu pour le 18 novembre. Voilà donc brièvement résumé la carrière de Roigsopp. Elle est assez longue et j'ai dû faire l'impasse sur les sorties de singles, les apparitions sur les compilations, sur les autres collaborations, notamment dans le monde du cinéma ou de la publicité. Et encore un mot rapide sur les influences reconnues et assumées pour le groupe. On cite souvent donc Kraftwerk, évidemment, Brian Eno, Giorgio Moroder, Art of Noise, Eric Satie ou Vangelis. L'une des caractéristiques du groupe, eh bien, c'est de collaborer avec de nombreuses chanteuses, pour n'en citer que quelques-unes, Annelie Drecker, Erland Hoy, Kate Hanvik, Kelonis Jones ou encore Karin Dreyer Anderson, dont on a parlé précédemment. Le groupe aime aussi produire des remixes, comme ce fut le cas avec le morceau Clocks de Coldplay ou My Head Sounds Like That de Peter Gabriel. Britney Spears avait aussi pris contact avec eux, mais bon, il y avait des problèmes d'agenda, donc l'offre a dû être refusée. Et puis enfin, pour ce qui est de leur concert, eh bien, c'est une expérience d'une toute autre qualité et dimension que simplement écouter la musique à fond. Et ils sont connus pour venir la plupart du temps sur scène avec des déguisements plus excentriques les uns que les autres. Voilà, vous êtes désormais incollables sur le duo norvégien. Et on va écouter un troisième extrait qui s'intitule Unity. Et puis donc, rendez-vous dans au début du mois de novembre pour la sortie du troisième volume The Profound Mysteries. Allez, on écoute Unity et c'est interprété à la voix avec Karen Harding. C'est Roigsopp, notre power play aujourd'hui dans Planète Indie. Power play. Power play. Unity, extrait de l'album Profound Mysteries 2, le Power Play de ce soir dans Planet Indie, émission 446. Retrouvez l'ensemble de l'album sur notre page Facebook et notre compte Twitter. Allez, on termine le programme de ce soir avec The Electric Flea Show et un morceau intitulé Connected. Bah oui, connectez-vous à nous, rejoignez-nous sur Facebook ou sur Twitter. Vous aurez toutes les informations concernant notre programme, notre émission et puis sur notre site internet www.ilovemusic.gq. Vous pourrez retrouver le podcast de cette émission dès ce soir. Everyone is connected, but nothing gets sent. Nothing gets sent. Everything is possible, but nothing gets done. Voilà, il est pratiquement l'heure de se dire au revoir. J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Prochaine émission, samedi 1er octobre, 17h, 18h30 sur les ondes de RGL. Vous pouvez nous retrouver aussi via internet, www.planetlive.ga. Il nous reste à écouter un dernier morceau, Tip Jar avec le morceau Plow. Vous retrouverez toute la playlist de cette émission, vous retrouverez le podcast de l'émission d'aujourd'hui. Et puis toutes les informations complémentaires sur le concept Planet Indie sur notre site internet www.ilovemusic.gq. Nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Twitter, nous sommes partout presque. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon week-end. Rendez-vous le 1er octobre pour l'épisode numéro 447. D'ici là, portez-vous bien et on se quitte avec Tip Jar. À bientôt. Watering the seeds, talking to the sun, to pray for life, till it hurts my eyes.